Crevel serra Madame Marneffe dans ses bras et sortit au comble du bonheur. Valérie l'accompagna tendrement jusqu'au palier, puis, comme une femme magnétisée, elle descendit jusqu'au premier étage, où elle alla jusqu'au bas de la rampe. « Ma Valérie, remonte, ne te compromets pas aux yeux des portiers. Va, ma vie et ma fortune, tout est à toi. Rentre, ma duchesse. » « Madame Olivier, cria doucement Valérie lorsque la porte frappa. « Comment, madame, vous ici ? Dit Madame Olivier stupéfaite. « Mettez les verrous en haut et en bas à la grande porte et n'ouvrez plus. Bien, madame. » Une fois les verrous tirés, Madame Olivier raconta la tentative de corruption que s'était permise le haut fonctionnaire à son égard. « Vous vous êtes conduite comme un ange, ma chère Madame Olivier, mais nous causerons de cela demain. » Valérie atteignit le troisième étage avec la rapidité d'une flèche, frappa trois petits coups à la porte de Lisbeth et revint chez elle où elle donna ses ordres à Mademoiselle Reine, car jamais une femme ne manque l'occasion d'un Montès arrivant du Brésil.